En 1998, cet ampli-là ne marchait pas. En 1999, cet ampli-là ne marchait pas. En 2001, cette batterie ne marchait pas. 2007, 2017, je crois que ça marchait. En 2022, un peu de patience et j'aurai une guitare. Allez, on va faire le tour du centre-Bretagne. On commence par Carré. On va aller faire un tour à Spézet après. Craze, Braze, Forever. Ça va, 40 pubs? Vous allez la voir? Ah non, vous en avez pas. Ce soir, Radio Losing vous amène au fin fond de la Bretagne, à Carré avec les Matmatas. Nous sommes en 2022. Vous êtes timide? Si. Si, si, si. Thank you. et la Kevrenalerie, le cirque et le bagad. Ça va? Ah, j'ai oublié ma bouteille, François. Regarde, elle est là. Si. François Guichou, l'homme le plus admirable de la Terre et de Québec. Bon, alors celle-là, la prochaine, là, à la base, elle n'était pas prévue. Mais il y a le jeune, là, il nous a dit, oh ouais, monsieur, j'ai envie de la faire. Léo nous a dit, moi, j'ai envie de faire cette chanson-là parce que je l'aimais beaucoup quand j'étais petit. C'était trop mimes. Donc on l'a fait, voilà. Je serai l'homme le plus fort. est allumé et matelas, et dire que ma journée est à peine entamée. Et Emma, tu m'as déjà scotché au canapé. Emma, t'es vraiment 10 fois plus belle que Tara. Emma, comment fais-tu pour être aussi sûre de toi? Tes coups de pied m'ont quelque peu émasculé. Emma, je t'en prie, rends-moi ma virilité. Emma, t'es vraiment 100 fois plus belle que Tara. Emma, t'es belle, et ma copine, elle t'aime pas. Emma, t'es bonne, et ma pile va bientôt claquer. Emma, t'es froide comme le carrelage de mes WC. Emma, t'es vraiment 1000 fois plus belle que Tara. Emma, Emma, Emma. Emma, tais-toi. Et dire que pour toi j'aurais gâché ma santé. Emma, t'as même pas réussi à me soulager. Emma, t'es vraiment périmée, ravis-toi. Emma, ia, ia, Emma, ia, eh. Emma, ia, ia, Emma, ia. Emma, ia, ia, Emma, ia, eh. Ce soir, et comme tous les jeudis, entre 17h et 18h, vous écoutez Radio Lozinc, et ce soir, spécial live Matmata. We'll be right back. le cirque et le bagad. Touch me, heal me, see me, feel me, touch me, heal me, see me, feel me. Touch me, heal me, see me, feel me, touch me. Mountain, I get excited. Et comme pratiquement pour toute la fin de leur concert, ils nous quittent avec l'apologie. Mais attention, ne nous quittez pas trop vite. Il y aura un dernier petit morceau studio de Matmata dans Radio Le Zinc. Ça va encore un peu dû. En fait, j'entends rien avec ça. Ça va encore un peu dû. C'était donc ça. La cirrhose. Et voilà, la session live de Radio Lezinc avec Matt Mata s'arrête. Et nous nous quittons avec Brest même, issu du dernier album des Bretons de Matt Mata. Sur ce, bis à messieurs, bis à mesdames. Mouillé jusqu'à l'os, je ne dis pas que j'ai froid. Mais l'automne est précoce, je la reconnais bien là. La ville qui se mérite, qui se gagne à la sueur. La cité interdite aux misérables imposteurs.